Chapitre 35. Épilogue. Un an s'était écoulé depuis la mort du roi Charles IX et l'avènement au trône de son successeur. Le roi Henri III, heureusement régnant par la grâce de Dieu et de sa mère Catherine, était allé à une belle procession faite en l'honneur de Notre-Dame de Cléry. Il était parti à pied avec la reine, sa femme et toute la cour. Le roi Henri III pouvait bien se donner ce petit passe-temps. Nul souci sérieux ne l'occupait à cette heure. Le roi de Navarre était en Navarre, où il avait si longtemps désiré être, et s'occupait fort, disait-on, d'une belle fille du sang des Montmorency et qu'il appelait la Fosseuse. Marguerite était près de lui, triste et sombre, et ne trouvant que dans ces belles montagnes non pas une distraction, mais un adoucissement aux deux grandes douleurs de la vie, l'absence et la mort. Paris était fort tranquille, et la reine-mère, véritablement régente depuis que son cher fils Henri était roi, y faisait séjour tantôt au Louvre, tantôt à l'hôtel de Soissons, qui était situé sur l'emplacement que couvre aujourd'hui la halle au blé et dont il ne reste que l'élégante colonne qu'on peut voir encore aujourd'hui. Elle était un soir fort occupée à étudier les astres avec René, dont elle avait toujours ignoré les petites trahisons et qui était rentré en grâce auprès d'elle pour le faux témoignage qu'il avait si à point porté dans l'affaire de Coconas et de la Mole, lorsqu'on va lui dire qu'un homme qui disait avoir une chose de la plus haute importance à lui communiquer, l'attendait dans son oratoire. Et elle descendit précipitamment et trouva le sire de Maurevel. « Il est ici !» s'écria l'ancien capitaine des pétardiers, ne laissant point contre l'étiquette royale le temps à Catherine de lui adresser la parole. « Qui, il ?» demanda Catherine. « Qui voulez-vous que ce soit, madame, sinon le roi de Navarre ?»« Ici ?» dit Catherine. « Ici, lui, Henri? Et qui vient-il faire, l'imprudent ?»« Si l'on en croit les apparences, il vient voir Madame de Sauve, voilà tout. Si l'on en croit les probabilités, il vient conspirer contre le roi. »« Et comment savez-vous qu'il est ici ?»« Hier, je l'ai vu entrer dans une maison, et un instant après, Madame de Sauve est venue l'y joindre. »« Êtes-vous sûr que ce soit lui ?»« Je l'ai attendu jusqu'à sa sortie, c'est-à-dire une partie de la nuit. » À 3 heures, les deux amants se sont remis en chemin. Le roi a conduit Madame de Sauve jusqu'au guichet du Louvre. Là, grâce au concierge, qui est dans ses intérêts sans doute, elle est rentrée sans être inquiétée, et le roi s'en est revenu tout en chantonnant un petit air et d'un pas aussi dégagé que s'il était au milieu de ces montagnes. Et où est-il allé ainsi? Rue de l'Arbre Sec, hôtel de la Belle Étoile, chez ce même aubergiste où logeaient les deux sorciers que Votre Majesté a fait exécuter l'an passé. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me dire la chose aussitôt ? Parce que je n'étais pas encore assez sûr de mon fait. Tandis que maintenant ? Maintenant je le suis. Tu l'as vu ? Parfaitement. J'étais embusqué chez un marchand de vin en face. Je l'ai vu entrer d'abord dans la même maison que la veille. Puis comme Madame de Sauve tardait, il a mis imprudemment son visage au carreau d'une fenêtre du premier. Et cette fois je n'ai plus conservé aucun doute. D'ailleurs, un instant après, Madame de Sauve l'est venue rejoindre de nouveau. Et tu crois qu'ils resteront, comme la nuit passée, jusqu'à 3 heures du matin? C'est probable. Où est donc cette maison? Près de la Croix des Petits Champs, vers Saint-Honoré. Bien, dit Catherine. Monsieur de Sauve ne connaît point votre écriture? Non. Asseyez-vous là et écrivez. Maurevel obéit et prenant la plume. Je suis prêt, madame, dit-il. Catherine dicta. Pendant que le baron de Sauve fait son service au Louvre, la baronne est avec un muguet de ses amis dans une maison proche de la Croix des Petits Champs vers Saint-Honoré. Le baron de Sauve reconnaîtra la maison à une croix rouge qui sera faite sur la muraille. « Eh bien ? » demanda Maurevel. « Faites une seconde copie de cette lettre, » dit Catherine. Maurevel obéit passivement. « Maintenant, » dit la reine, « faites remettre une de ces lettres par un homme adroit au baron de Sauve, et que cet homme laisse tomber l'autre dans les corridors du Louvre. » « Je ne comprends pas, » dit Maurevel. Catherine haussa les épaules. Vous ne comprenez pas qu'un mari qui reçoit une pareille lettre se fâche ? Mais il me semble, madame, que du temps du roi de Navarre, il ne se fâchait pas. Tel qui passe des choses à un roi ne les passe peut-être pas à un simple galant. D'ailleurs, s'il ne se fâche pas, vous vous fâcherez pour lui, vous. Moi ? Sans doute. Vous prenez 4 hommes, 6 hommes s'il le faut. Vous vous masquez, vous enfoncez la porte, comme si vous étiez les envoyés du baron. Vous surprenez les amants au milieu de leur tête-à-tête, vous les frappez au nom du roi. Et le lendemain, le billet perdu dans le corridor du Louvre est trouvé par quelque âme charitable qui l'a déjà fait circuler, atteste que c'est le mari qui s'est vengé. Seulement, le hasard a fait que le galant était le roi de Navarre. Mais qui pouvait deviner cela quand chacun le croyait à peau ? Mauravel regarda avec admiration Catherine, s'inclina et sortit. En même temps que Mauravel sortait de l'hôtel de Soissons, Madame de Sauve entrait dans la petite maison de la Croix des Petits Champs. Henri l'attendait, la porte entr'ouverte. Dès qu'il l'aperçut dans l'escalier, « Vous n'avez pas été suivi ? » dit-il. « Mais non, dit Charlotte, que je sache du moins. »« C'est que je crois l'avoir été, dit Henri, et non seulement cette nuit, mais encore ce soir. »« Oh mon Dieu, dit Charlotte, vous m'effrayez, sire. Si un bon souvenir donné par vous à une ancienne amie allait tourner à mal pour vous, je ne m'en consolerais pas. » « Soyez tranquille, mamie, dit le Béarnais. Nous avons 3 épées qui veillent dans l'ombre. »« 3, c'est bien peu, sire. »« C'est assez quand ces épées s'appellent Demouy, Saucourt et Barthélemy. »« Demouy est donc avec vous à Paris ?»« Sans doute. »« Il a osé revenir dans la capitale ?»« Il a donc comme vous quelques pauvres femmes folles de lui ?»« Non, mais il a un ennemi dont il a juré la mort. »« Il n'y a que la haine, ma chère, qui fasse faire autant de sottises que l'amour. » « Merci, sire. »« Oh, dit Henri, je ne dis pas cela pour les sottises présentes, je dis cela pour les sottises passées et à venir. Mais ne discutons pas là-dessus, nous n'avons pas de temps à perdre. »« Vous partez donc toujours ?»« Cette nuit. »« Les affaires pour lesquelles vous étiez revenu à Paris sont donc terminées ?»« Je n'y suis revenu que pour vous. »« Gascon. »« Entre Saint-Gris, mamie, je dis la vérité. »« Mais écartons ces souvenirs. » « J'ai encore 2 ou 3 heures à être heureux, et puis une séparation éternelle. »« Ah, sire, dit Madame de Sceaux, il n'y a d'éternel que mon amour. » Henri venait de dire qu'il n'avait pas le temps de discuter. Il ne discuta donc point. Il crut, ou, le sceptique qu'il était, il fit semblant de croire. Cependant, comme l'avait dit le roi de Navarre, Demouy et ses 2 compagnons étaient cachés aux environs de la maison. Il était convenu que Henri sortirait à minuit de la petite maison, au lieu d'en sortir à 3 heures, qu'on irait comme la veille reconduire Madame de Sauve au Louvre, et que de là on irait rue de la Cerisaie, où demeurait Mauravel. C'était seulement pendant la journée qui venait de s'écouler que Demouy avait enfin une notion certaine de la maison qu'habitait son ennemi. Ils étaient là depuis 1 heure à peu près, lorsqu'ils virent un homme suivi à quelques pas de 5 autres qui s'approchaient de la porte de la petite maison et qui, l'une après l'autre, essayaient plusieurs clés. À cette vue, Demouy, caché dans l'enfoncement d'une porte voisine, ne fit qu'un bond de sa cachette à cet homme et le saisit par le bras. « Un instant, dit-il, on n'entre pas là. » L'homme fit un bond en arrière et, en bondissant, son chapeau tomba. « Demouy de Saint-Phal, s'écria-t-il. « Mauravel, hurla le guenot en levant son épée. « Je te cherchais, tu viens au-devant de moi, merci. » Mais la colère ne lui fit pas oublier Henri. Et se retournant vers la fenêtre, il siffla à la manière des pâtres béarnais. « Cela suffira, dit-il à Saucourt. Maintenant à moi, assassin, à moi !» Et il s'élança vers Mauravel. Celui-ci avait eu le temps de tirer de sa ceinture un pistolet. « Ah, cette fois, dit le tueur de roi, en ajustant le jeune homme, je crois que tu es mort. » Et il lâcha le coup. Mais Demouy se jeta à droite, et la balle passa sans l'atteindre. « À mon tour, maintenant, s'écria le jeune homme. Et il fournit à Mauravel un si rude coup d'épée que, quoique ce coup atteignît sa ceinture de cuir, la pointe acérée traversa l'obstacle et s'enfonça dans les chairs. L'assassin poussa un cri sauvage qui accusait une si profonde douleur que les sbires qui l'accompagnaient le crurent frappé à mort et s'enfuirent épouvantés du côté de la rue Saint-Honoré. Mauravel n'était point brave. Se voyant abandonné par ses gens et ayant devant lui un adversaire comme Demouy, il essaya à son tour de prendre la fuite et se sauva par le même chemin qu'ils avaient pris, en criant « À l'aide !» Demouy, Saucourt et Barthélemy, emportés par leur ardeur, les poursuivirent. Comme ils entraient dans la rue de Grenelle qu'ils avaient prise pour leur couper le chemin, une fenêtre s'ouvrait et un homme sautait du premier étage sur la terre fraîchement arrosée par la pluie. C'était Henri. Le sifflement de Demouy l'avait averti d'un danger quelconque, et ce coup de pistolet, en lui indiquant que le danger était grave, l'avait attiré au secours de ses amis. Ardent, vigoureux, il s'élança sur leurs traces, l'épée à la main. Un cri le guida. Il venait de la barrière des sergents. C'était Maurevel qui, se sentant pressé par Demouy, appelait une seconde fois à son secours ses hommes emportés par la terreur. Il fallait se retourner ou être poignardé par derrière. Maurevel se retourna, rencontra le fer de son ennemi et presque aussitôt lui porta un coup si habile que son écharpe en fut traversée. Mais Demouy riposta aussitôt. L'épée s'enfonça de nouveau dans la chair qu'elle avait déjà entamée et un double jet de sang s'élança par une double plaie. « Il en tient !» cria Henri qui arrivait. « Sus, sus, Demouy !» Demouy n'avait pas besoin d'être encouragé. Il chargea de nouveau Maurevel, mais celui-ci ne l'attendit point. Appuyant sa main gauche sur sa blessure, il reprit une course désespérée. « Tue-le vite, tue-le !» cria le roi. « Voici ces soldats qui s'arrêtent, et le désespoir des lâches ne vaut rien pour les braves. » Maurevel, dont les poumons éclataient, dont la respiration sifflait, dont chaque haleine chassait une sueur sanglante, tomba tout à coup d'épuisement. Mais aussitôt il se releva, et se retournant sur un genou, il présenta la pointe de son épée à Demouy. « Ami, ami !» cria Maurevel. « Ils ne sont que deux. Feu, feu sur eux !» En effet, Saucourt et Barthélemy s'étaient égarés à la poursuite de deux sbires qui avaient pris par la rue des Poulies, et le roi et Demouy se trouvaient seuls en présence de quatre hommes. « Feu !» continuait de hurler Maurevel, tandis qu'un de ses soldats prêtait effectivement son poitrinal. « Oui, mais auparavant, » dit Demouy, « meurs, traître, meurs, misérable, meurs, damné comme un assassin !» Et saisissant d'une main l'épée tranchante de Maurevel, de l'autre il plongea la sienne du haut en bas dans la poitrine de son ennemi, et cela avec tant de force qu'il le cloua contre terre. « prends garde !» cria Henri. Demouy fit un bond en arrière, laissant son épée dans le corps de Maurevel, car un soldat l'ajustait et allait le tuer à bout portant. En même temps, Henri passait son épée au travers du corps du soldat, qui tomba près de Maurevel en jetant un cri. Les deux autres soldats prirent la fuite. « Viens, Demouy, viens !» cria Henri. « Ne perdons pas un instant. Si nous étions reconnus, ce serait fait de nous. »« Attendez, sire. Et mon épée, croyez-vous que je veuille la laisser dans le corps de ce misérable ?» Et il s'approcha de Maurevel, gisant et en apparence sans mouvement. Mais au moment où Demouy mettait la main à la garde de cette épée, qui effectivement était restée dans le corps de Maurevel, celui-ci se releva, armé du poitrinal que le soldat avait lâché en tombant, et à bout portant il lâcha le coup au milieu de la poitrine de Demouy. Le jeune homme tomba, sans même pousser un cri. Il était tué raide. Henri s'élança sur Maurevel, mais il était tombé à son tour, et son épée ne perça plus qu'un cadavre. Il fallait fuir. Le bruit avait attiré un grand nombre de personnes. La garde de nuit pouvait venir. Henri chercha parmi les curieux attirés par le bruit une figure, une connaissance, et tout à coup poussa un cri de joie. Il venait de reconnaître Maître La Hurière. Comme la scène se passait au pied de la croix du Trahoir, c'est-à-dire en face de la rue de l'Arbre Sec, notre ancienne connaissance, dont l'humeur naturellement sombre s'était encore singulièrement attristée depuis la mort de la Mole et de Coconas, ses deux hôtes bien-aimés, avait quitté ses fourneaux et ses casseroles au moment où justement il apprêtait le souper du roi de Navarre, et était accouru. « Mon cher La Hurière, je vous recommande Demouy, quoique j'aie bien peur qu'il n'y ait plus rien à faire. Emportez-le chez vous, et s'il vit encore, n'épargnez rien. Voici ma bourse. Quant à l'autre, laissez-le dans le ruisseau, et qu'il y pourrisse comme un chien. » « Mais vous, » dit La Hurière, « moi j'ai un adieu à dire. Je cours, et dans 10 minutes je suis chez vous. Tenez mes chevaux auprès. » Et Henri se mit effectivement à courir dans la direction de la petite maison de la Croix des Petits Champs. Mais en débouchant de la rue de Grenelle, il s'arrêta, plein de terreur. Un groupe nombreux s'était amassé devant la porte. « Qu'y a-t-il dans cette maison ? » demanda Henri. Et qu'est-il arrivé ? Oh ! Répondit celui auquel il s'adressait. Un grand malheur, monsieur. C'est une belle jeune femme qui vient d'être poignardée par son mari, à qui l'on avait remis un billet pour le prévenir que sa femme était avec un amant. Et le mari ? S'écria Henri. Il s'est sauvé. Et la femme ? Elle est là. Morte ? Pas encore, mais Dieu merci, elle n'en vaut guère mieux. Oh ! S'écria Henri, je suis donc maudit. Et il s'élança dans la maison. La maison était pleine de monde. Tout ce monde entourait un lit sur lequel était couchée la pauvre Charlotte, percée de deux coups de poignard. Son mari, qui pendant 2 ans avait dissimulé sa jalousie contre Henri, avait saisi cette occasion de se venger d'elle. « Charlotte, Charlotte !» cria Henri en fendant la foule et tombant à genoux devant le lit. Charlotte rouvrit ses beaux yeux déjà voilés par la mort. Elle jeta un cri qui fit jaillir le sang de ses deux blessures et faisant un effort pour se soulever. « Oh, je savais bien, » dit-elle, « que je ne pouvais pas mourir sans le revoir. » Et en effet, comme si elle n'eût attendu que ce moment pour rendre à Henri cette âme qu'il avait tant aimée, elle appuya ses lèvres sur le front du roi de Navarre, murmura encore une dernière fois « Je t'aime » et tomba morte. Henri ne pouvait rester plus longtemps sans se perdre. Il tira son poignard, coupa une boucle de ses beaux cheveux blonds qu'il avait si souvent dénoués pour en admirer la longueur, et sortit en sanglotant au milieu des sanglots des assistants qui ne se doutaient pas qu'il pleurait sur de si hautes infortunes. « Ami, amour !» s'écria Henri éperdu. « Tout m'abandonne, tout me quitte, tout me manque à la fois. »« Oui, sire, » lui dit tout bas un homme qui s'était détaché du groupe de curieux amassé devant la petite maison et qui l'avait suivi. « Mais vous avez toujours le trône. »« René !» s'écria Henri. « Oui, sire, René qui veille sur vous. Ce misérable en expirant vous a nommé. On sait que vous êtes à Paris. Les archers vous cherchent. Fuyez, fuyez. »« Et tu dis que je serai roi, René ?» Un fugitif ? Regardez, sire, dit le Florentin en montrant au roi une étoile qui se dégageait, brillante, déplie d'un nuage noir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Henri poussa un soupir et disparut dans l'obscurité.